Clément. Bon, Tonaï, au lieu de draguer mon chat. Déjà, c'est elle. Oui, ouais, c'est elle qui me drague. Non, c'est pas comme ça. Que je vois bien que t'es jaloux. En je suis pas jaloux. Si. Et non, je te dis qu'elle. J'aime bien. Fais attention. Elle est super vénère. Elle est mauvaise. Elle est mauvaise. Je te le dis. Elle fait des papouilles depuis tout à l'heure. Elle regarde chelou en mode. À un moment donné, tu vas pas le voir venir. Elle va te choper à la jugulaire et tu vas mourir. Non, mais j'avoue que maintenant que tu me dis qu'elle est sur le côté. Regarde. T'as vu le regard? Ça, c'est pas un regard sympa. Je te le dis. Ouais. Comment il va? Eh ben écoute, ça va, même et... si je suis un peu méfiant là parce qu'il y a non, t'inquiète, elle va, sur la gauche. Elle va revenir là, se placer là tranquille. Non, ça va pas mal, écoute. Eh ben ça fait plaisir. Ouais. Tu sais que j'ai un peu l'impression par exemple cette semaine de ne faire que de te voir. Ah ouais? Ouais. Bah moi j'en dirais presque autant mais c'est même pas vrai. Non, c'est vrai. Pourtant, je pourrais le dire. On s'apprête à attaquer la capsule 16. Ah! Oui. Ouais. Il a eu un tout. Est-ce que du coup, on se lancerait pas un petit générique? Oh, allez, faisons ça. Allez. Allez, j'appuie sur le bouton. Bah, moi aussi, comme tu vois. Attends, je trouve. Je fais la jukebox futuriste. Il s'est les limites. Ah, d'accord, donc je peux y aller. Ouais. Ce qui est marrant, c'est que tu sais, en fait, je me dis, ah, les gens, l'idée, c'est de les surprendre avec le générique. Bah ouais. Mais en fait, c'est déjà marqué sur la miniature. Donc les gens, ils ont déjà cliqué, c'est ouais. Le nom de l'épisode. C'est clair. Donc alors, il faut leur dire, ne lisez pas. Tu crois? Ouais. Faudrait vraiment, je fais une pochette neutre et. Ouais, voilà, ouais, sans rien d'écrit. C'est un peu ce que j'avais fait avec le report du warm-up. J'avais pas marqué qu'il y avait Riku dedans. J'avais fait deux versions. Une que j'avais mis au début, sans Riku, et une que j'avais mis pour après. Pour faire des petites surprises. Voilà, mais le problème, c'est que j'ai jamais mis la deuxième. Donc. Toujours rester sur sans Riku. D'ailleurs, en parlant de surprise, ça me fait penser. Heureusement que j'étais pas là au dernier podcast. Ça se trouve, je te l'aurais pourri ta surprise. Mais pourquoi? Tu te rappelles de ta surprise du dernier épisode? T'as fait intervenir oui, les oui, amis. Oui, oui. Et du coup, à un moment donné, j'en aurais parlé, c'est sûr. Puis t'aurais peut-être fait. Parce que toi, t'avais prévu ça de base. Attends, t'en avais rien parlé à personne. J'entends, mais t'es au courant que c'est pas du tout. On n'est pas du tout là pour parler de ça. Là. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Là, on va ah, partir ouais. Sur. Ah oui, c'est vrai qu'on est moins libre. On a que. Non. Oui, bah, on est moins libre et que surtout. Oui, voilà, c'est surtout ça. C'est voilà. Patonaille, rien de tout ça. Si, si, si. Alors, on va vous parler d'un groupe déjà qui vient en remplacement d'un autre. Et du coup, oui. J'ai pas bossé l'autre, donc j'espère que tu veux pas en parler. De l'autre. Celui qui vient pas. Que je dois en parler? Non. Ah oui, ouf. Parce que j'ai écouté, je me suis concentré sur celui qui vient, du coup. Oui, et donc on va parler d'un, alors, attends, parce que. Ah. J'ai comme un doute sur quelque chose. C'est quoi ton doute? J'ai un doute sur les informations que j'ai. Ah! Et, écoute. Et je peux te confirmer que c'est pas les bonnes. Ah merde! Tu t'es trompé de groupe, carrément. Hein? Non, peut-être pas quand même. Non, je me suis pas. Ben non, je me suis quand même pas trompé de groupe. Donc du coup, on va parler d'un groupe qui va venir en la vallée, qui ne vient donc pas pour la première fois. Ouais, bah, parce que forcément, sinon on serait pas là pour en parler. Sinon, on serait pas là pour en parler. Et on va donc, on va plus. Il y a plus besoin de garder de mystère. On va parler d'un groupe italien. Ah oui. Un groupe exact. Un peu de doom. Oui. On va donc vous parler de. Mais ça. Et oui, on va vous parler de Messa, groupe italien, donc comme je l'ai dit, qui revient au Hellfest. Alors, malheureusement, j'avais pris les informations de l'autre groupe, donc j'ai pas. Messa qui revient donc pour la troisième fois après leur venue en 2019 et en 2022. Ah oui, d'accord. Oui, c'était important un petit peu de le dire. Donc Messa, c'est un groupe, donc comme je l'ai dit, italien, qui fait du doom, mais en fait, qui est un peu un doom particulier, car c'est pas essentiellement du doom. Ils sont considérés comme faisant un peu de prog, de black, de punk, de dark, de jazz. De jazz, on va revenir oui, un oui, peu. Oui, oui, un petit peu, ouais. Et donc du doom, et qui est donc une espèce de chaudron mélangé de tout ça, que le groupe définit lui-même comme du Scarlet Doom. Scarlet Doom, d'accord. Ouais. Okay. Et ils ont aussi beaucoup été appelés un groupe de jazz doom parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments de jazz. Mm-hmm. Il y a d'ailleurs au sein du groupe un musicien qui a été diplômé En école de musique de jazz, quoi. Exactement. Alors, pas en école de musique, il a été diplômé en. J'ai le nom, mais pas là. Aide-moi, Tonai. The Jazz Holding Band School of the Italian. Non, tu sais, diplômé au-dessus de l'école. Ah oui, ah, il est. Conservatoire, voilà. Ah. Il est diplômé du conservatoire. Ouais, ouais, grave. Et bien sûr. Ceinture noire, quoi. Il est ceinture noire. Oui, c'est vrai que c'est un peu le ceinture noire, on peut le dire comme ça. Je l'avais pas noté comme ça, mais effectivement, tac, tac, tac, et j'ai obtenu son diplôme de guitare jazz dans un conservatoire. Et c'est bien sûr Alberto. Alberto, bah sacré oui. Alberto. Alberto qui est donc le... Le guitariste. Ah putain, bien joué. Bah écoute, je sais pas, je me suis dit allez au pif. Et donc parce que le groupe est aussi composé de Marco à l'haute guitare basse et Rocco qui est à la batterie. D'accord. Et Sarah qui est au chant. Rocco avec ses baguettes. Arrête, va pas là-dedans s'il te plaît. Sarah qui donc chante mais qui est au chant mais qui n'a jamais suivi de formation de chanteuse ni pris de cours de chant. D'accord. Elle a en fait elle a fait partie d'autres groupes où avant elle était musicienne et tout ça, bassiste et compagnie, mais c'est le premier groupe où elle chante et elle s'est rendue compte, j'ai vu ça dans une interview, qu'elle faudrait peut-être qu'elle commence à prendre des cours de chant parce que aujourd'hui en fait elle autant elle chante incroyablement bien dans Mesa. Ouais, ça c'est ça. Son style. Ah, ok. Et que. C'était pas du tout négatif. Non, mais quand tu dis elle a son style, je trouve qu'elle sentait. Tu vois, par exemple, entre ça et un autre groupe dont on a pu parler récemment, en termes de chant, je trouve qu'elle chante incroyablement bien, là. Contrairement à un autre technicien. Comparable. Surtout que t'as vu, il fait vraiment. C'est clivant. Les gens sont très divisés sur les pouces. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc, elle penserait à prendre des cours de chant parce qu'en fait, aujourd'hui, elle est un peu. Pas limitée. Enfin, d'une certaine façon, si, mais en fait, elle a pas les bases et en cas même de moins de problèmes physiques. j'ai pas bien travaillé non plus parce que je ne retrouve pas le nombre d'albums qu'ils ont fait. Il y en a. Alors, je vais te le dire. Mais il y en a beaucoup, hein. Oh la vache. Ouais, j'ai été surpris. Je me suis dit, mais je vais jamais avoir tant de tout ça. Petit rappel d'un truc amusant, il y a sur un album, ils ont un morceau qui est fait en référence, qui a été un peu inspiré par le style de Aluk Todolo, groupe dont on a déjà parlé dans le podcast. Ah oui, d'accord. Ouais, OK. Dans l'interview, c'est le journaliste qui en parle et ils disent "Ouais, c'est exactement ça, on a voulu un peu rendre hommage d'une certaine façon au groupe, donc t'es le premier à le remarquer et tout ça." Donc moi je le signale parce que c'est incroyable de vouloir rendre un peu à ce groupe à Aluk Todolo tellement c'est un peu barré et tout ça. Ouais. Donc la particularité de Mesa aussi c'est que qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est parce que finalement, il y en a quatre. J'en vois quatre. Voilà, il y en a quatre. Mais j'étais pas sûr du nombre. Moi, c'était pas autant, mais j'en voyais quatre. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. C'est bien quand je suis du matin parce que on peut dire que je suis frais. Oui, au sein du groupe, il y a deux photographes professionnels parce qu'en fait, ils font partie de ces groupes qui, même s'ils marchent bien, même si tu les vois beaucoup tourner, en fait, ils ne peuvent pas vivre encore de leur musique. D'accord. Okay. Donc, ils sont obligés d'avoir des petits boulots à côté. C'est d'ailleurs pas le seul groupe dont on parlera ce soir qui sera dans cette situation. Et donc, il y a deux photographes. Et en fait, je trouve que ça se ressent un peu dans l'imagerie, même des pochettes et tout ça. Il y a une certaine esthétique. Et même dans l'esthétique proche du groupe, il y a, tu vois, ils sont un peu dans cette démarche-là. Tu vois, je ne sais plus, montre-moi rapidement, si je dis pas de conneries. Je crois que ça doit être celle-là, mais je suis pas sûr. Il y a une photo qui doit dater de 1930 ou une connerie comme ça. D'accord. C'est une très vieille photo qui sert de pochette. Alors, je suis pas sûr que ça soit cette pochette-là. Et donc, c'est des... Comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont souvent aussi considérés comme faisant du jazz doom pour la simple et bonne raison qu'ils adorent le jazz. C'est un groupe qui est beaucoup passionné par ça. Et donc, on entend des petites nuances de jazzy un peu ici. Comme on peut entendre sur certains morceaux du saxophone. Ce qui a eu donc pour effet qu'il y a eu... Ils ont fait un... au désert... Alors c'est pas le Desert Rock parce que le Desert Rock c'est un style, mais au festival de Stoner qui est très connu, qui s'appelle le Desert Fest, ils ont été invités à faire un concert. Il y a de temps en temps des groupes à qui on propose de faire des shows particuliers, c'est des shows uniques un petit peu. Ouais. Et donc pour ce show-là, ils ont fait venir leur saxophoniste qui n'est que sur album, ils ont pas de saxo en live. Ok, d'accord. Et il est venu exprès pour ça, pour permettre justement d'avoir un show en un petit peu particulier. Voilà. Et donc du coup, ils ont axé les morceaux de cette liste-là sur la présence. D'accord. Ok. Et qu'ils sont revenus du Desert Fest une deuxième fois pour refaire un autre show particulier, mais je suis pas sûr de cette d'accord. info. D'accord. Oh, c'est sympa en tout cas. Bah ouais, et ça arrive souvent en fait que le festoche propose ce genre de concert. D'accord. Mais bon, là je parle. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de Messa? D'ailleurs, alors, j'étais sûr que tu allais nous faire une blague, mais apparemment, tu n'es pas parti pour le faire. Ah, donc, non. Je vais peut-être la faire avant toi. Vas-y. Messa. Ah, voilà. Ben non, je l'avais déjà faite une fois, mais je m'étais trompé de personnage ou je sais plus quoi. Ah oui, d'accord. Et, oui, et on ne l'a pas dit, mais au final, ils viennent en remplacement de Thou. De Thou. Qui, donc, et toi, t'étais un peu déçu parce que t'avais déjà écouté Sou. Un petit peu, ouais. Et t'avais ouais, dit, oh, Yon, ça promet pas mal. Donc, mais ça, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'était une totale découverte. Je dois dire que c'était, assez particulier. Pas que je découvrais complètement le style, ouais, tu vois, mais j'avais vraiment l'impression au début de l'écoute que ça venait complètement d'une autre époque, tu vois, des années 70, un peu hippie même, tu vois. Ouais, d'accord. Vois, mais je pense que c'est la voix un peu aussi psychédélique de la dans l'esprit, complètement. Ouais, complètement. Donc, je pense que c'était la voix quand même de la chanteuse qui a amené ça aussi en plus de l'univers musical et tout, mais. Oui, parce que c'est vrai que le doom, toi, c'est pas le style de doom que t'as l'habitude d'écouter, toi. Il est pas aussi. Enfin, ouais, pas aussi lourd, aussi puissant que ce qu'on j'ai l'habitude du doom que j'écoute, quoi. D'ailleurs, quand j'ai écouté au début, je suis pas trop, j'ai juste écouté, tu vois, j'ai pas été trop chercher d'infos, de quoi que ce soit, et j'avais du mal à cerner un peu vraiment le vrai style de base, tu vois. Ouais, d'accord. Enfin, quand j'ai regardé, je fais ah ouais, doom et tout. Ok. Ouais, mais faut pas se limiter. Non, bien sûr, c'est beaucoup plus ouvert que ça. Bien de sûr, façon, allez, écoute, on le voit tout de suite. Et donc du coup, C'était quand même une bonne surprise dans l'ensemble. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose que j'aime bien, j'ai bien apprécié tout ça. Après, j'avais quand même du mal à rentrer dans l'univers parce que je pense que voilà, ce qu'on nous propose, c'est vraiment un truc aérien, planant, qui est fait pour t'emmener. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense qu'il y a des gens, ils peuvent fermer les yeux là-dessus. Hein. Ah non, mais complètement. Moi, complètement. Mais je vais pas dire que j'ai pas aimé, hein, mais j'ai on eu te sent sur la réserve, on ouais, te sent sur la réserve. J'ai eu du mal un petit peu à rentrer dedans. Alors, est-ce que c'est complètement de leur faute? Je ne sais pas. Est-ce que ces derniers temps, ça se prêtait pas vraiment à rentrer dedans? J'en sais rien. Ouais, parce que t'as vraiment eu quelques soucis qui t'ont occupé l'esprit. Un chouïa. Mais en tout cas, je pense que voilà, tout est réuni pour qu'en vrai, j'aime bien quand même. Mm-hmm. C'est planant, c'est psychédélique et tout. Après, il y a des morceaux un peu plus énergiques, un peu même surprenants, parce que j'ai quand même pas mal tapé dans un petit peu toute la discographie et tout. Et en général, tu sais, on va dire que c'est assez lent, tu vois. C'est assez posé, tranquille. Il y a eu quelques morceaux un peu plus énergiques. Oh, tiens, un peu surprenant, du coup. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord. Mais ça restait vraiment dans la racine de ce qu'ils font et c'était pas mal du tout. Et du coup, je sais pas trop. Alors, après, je pense aussi une chose vachement importante. Je pense qu'il s'y prêterait, c'est à quel moment de la journée, ça pourrait passer. En fait, à titre d'info, ils sont passés en 2019, ils étaient plus haut dans le running, c'est-à-dire ils étaient en mode ouverture plutôt. Et après, donc ils avaient un set plus court. Okay. Et quand ils sont venus en 2022, ils avaient une heure de show, donc ils sont passés vers 19, 20. Peut-être pas. Enfin, justement, je voulais essayer de retrouver. Je sais pas, parce que j'avais l'impression que plus tu montais dans le planning, plus t'avais de temps. Non, mais quand je dis monter, en fait, c'est inversé justement. Donc, oui, non, mais ça, j'ai bien capté. Mais du coup, oui. Quand tu commences, t'as une demi-heure. Ouais, après, t'as trois quarts d'heure. Après, une heure. Non, mais c'est tout à fait ça. Mais pour te redire exactement à quel moment. Ah, et là, ils sont passés. Ils sont passés de 19h25 à 20h25. Ah, ils sont déjà, très haut, très très haut. Et bien jour, mais. Et donc, moi, je les ai pas vus en 2022, parce que j'étais devant Flo de Sam et Jet Sam, que j'ai été assez déçu, mais je les ai vus en 2019, par contre. D'accord. J'avais été les voir, en tout cas, je suis quasiment sûr que j'avais été les voir. Et en pleine journée et tout, donc. Je les passe devant moi, le running order, donc je pourrais pas te le redire. Après, je suis pas complètement fermé à l'idée de les voir en journée si ça devait se faire, mais c'est vrai que j'imagine quand même que dans une configuration un peu plus intimiste, sombre et tout. Ah, ils étaient passés à 12h50 jusqu'à 13h30. Et non, j'étais devant le dimanche 23 de 2019, j'étais devant. Ah, ok. Et j'avais vraiment beaucoup aimé, même en live, ça passait bien, tu vois, c'est très bien planant, belle atmosphère, belle lumière. C'était top. Donc, du coup, maintenant, à toi un petit peu de. Non, franchement, je dirais oui quand même. Parce que, voilà, dans l'ensemble, il n'y a rien qui m'a fait me dire je suis en train de passer un mauvais moment. Ah, c'est marrant, tu vois, j'aurais cru moi que ça aurait été un plus un coup de cœur, c'est fou. Parce que t'as bien vu en plus que les gens étaient très contents d'avoir Messa qui revient, c'est un groupe que les gens aiment beaucoup. Et je pensais que tu serais directement dans cette team, dans cette team des planeurs. Non, mais je te dis, c'est pour ça que je pense que peut-être il y a un peu le moment qui a pas aidé. Je pense, parce que je te dis, tout est réuni pour normalement, me convaincre assez facilement. Il y a que des choses qui me parlent bien et qui sonnent pas mal à mon oreille. Mais bon, donc du coup, je suis resté un petit peu en dehors. Mais je te dis, je peux pas non plus nier que j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai eu du mal à rentrer dedans, mais je pense que j'irai quand même parce que il y a pas de raison. D'accord. J'ai pas détesté. Et as-tu jeté une oreille sur les deux morceaux du prochain album? Oui, avec serpent qui se mord la queue là. Là on est dans un truc un peu plus post-wave, new wave. Moi qui m'a un peu plus, ça a moins marché sur moi déjà. Ouais. J'étais un peu moins. Bah je te dis, moi c'est resté dans la même veine. Tout ce que j'ai écouté, on était toujours plus ou moins sur la même veine. Par contre, tu vois, par exemple, tu disais sa voix. Toi tu kiffes, tu surkiffes. Ouais, j'aime bien. Moi, j'aime vraiment beaucoup. J'entends bien le côté. C'est pas négatif ou péjoratif ce que je veux dire. Elle veut prendre des cours justement, peut-être aussi pour justement aller chercher d'autres notes ou d'autres choses parce que sa voix elle est vraiment ce que j'aime bien, c'est vrai, c'est sa voix, elle se mélange bien avec tout l'ensemble, les instruments, tu vois. Sa voix, c'est bon, on sait que une voix c'est un instrument dans un groupe, mais elle ça sonne vraiment instrumental, sa voix, tu sais, qu'elle utilise comme un autre instrument et moins comme une chanteuse par exemple. Voilà, tu vois, d'accord. C'est intéressant. C'est peut-être de ce côté-là que je me dis, peut-être elle va aller chercher des cours pour aller justement puiser d'autres. Je crois que c'était plus sur l'entretien, mais pourquoi pas. D'accord. OK. Mais bon. Bah écoute Tonaï, merci beaucoup. Bah de rien. Écoute, c'est toujours un plaisir. Ouais, pareillement. Oh. On se dit à la prochaine. Ouais. Allez, à bientôt. Salut. Non, attends, j'ai pas dit. Ah oui, pardon. Parce que j'ai baissé le son. Ah d'accord.